sais même plus d'où je viens. Je me rappelle un peu ton nom. J'ai descendu dans la vallée. J'étais perdu comme j'étais bien, comme dans un rêve, imaginons.